Il est 11h. WRCB, Radio Concorde, Boston. Radio Concorde, WRCB, Boston. Radio Concorde. La voix de Pierre Bachelet, passé de vie à Trépas, ça fait déjà un bon bout de temps. Alors, je salue très fort France Olivier, Gardine, qui écoute la radio quelque part. Bon ami Richer, qui écoute la radio du côté de Léon, en Afrique du Sud, je crois, quelque part. Alors, ce bon ami Richer, bonsoir. Buto Wendell, Brockton, bonjour. Toute la famille Concorde en général. Jacquito vous salue et vous souhaite un bon matin. Une bonne journée en compagnie de Radio Concorde, la force du capitaine, gardez patience. D'ici quelques instants, l'horoscope du jour, voilà Roger Préval, bonjour, bon matin, bonne journée. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Pour moi, ma mère a donné sa robe de mariée. Peux-tu jamais me pardonner? chanson qui a été dédiée spécialement à Rogette Prival, qui écoute la radio quelque part. Madame Rogette, bonjour, bon matin, bonne journée en compagnie de Radio Concorde. Comme vous savez, c'est la force du cadran, c'est la plus ancienne de toute la ville où il n'est pas sorti de là. Alors ça, pour qu'on débute avec l'horoscope du jour, les natifs du Bélier qui se trouvent déjà sur l'écran. Bonjour, bon matin, bonne journée, bon début de semaine.